partager, tiens-nous, fais voyager pour nous. Désirez-moi avec plaisir, en vie c'est pour toute la vie. We'll be right back.